La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine et nouveau sujet dans la compagnie des auteurs. Nous parlons d'une écrivaine américaine en colère, Toni Morrison. Une écrivaine sur l'œuvre de qui plane la tragédie, l'infanticide, le viol, l'inceste et aussi l'histoire de l'Amérique esclavagiste de Morrison. Et romancière, mais c'est également une femme qui pense le monde. Elle qui fut universitaire, la première femme noire à être élue à une chaire d'humanité de l'université de Princeton, et qui vint enseigner en 1994 au Collège de France et à l'École normale supérieure. C'est donc le parcours d'une femme puissante, prix Nobel de littérature il y a exactement 25 ans, dont il va être question ici jusqu'à jeudi. Jeudi, justement, nous parlerons du jazz et de l'art noir tel que le théorisait Toni Morrison. Ce sera avec Vanessa Sylvanise et avant que Josiane Savigno ne vienne nous donner son point de vue sur son roman Paradis. La veille, mercredi, nous nous serons arrêtés sur la question des objets chez Morrison et la philosophie à l'œuvre dans ses textes. Mon invité sera Annie Paul, Miel de Prinsac. Enfin demain, avec Claudine Reynaud, nous ferons le parcours de l'œuvre et il sera en particulier question du plus célèbre de ses romans, Beloved. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, pour une première présentation de la vie et de l'œuvre de Toni Morrison, nous sommes en compagnie de Christine Laferrière et de Florence Noiville. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Christine Laferrière, vous avez traduit plusieurs livres de Toni Morrison, parmi lesquels son tout dernier, L'origine des autres, qui regroupe la transcription de 6 conférences qu'elle a prononcées à Harvard en 2016. Et puis vous avez traduit aussi des romans comme Home et Délivrance, à chaque fois aux éditions Christian Bourgois. Florence Noiville, vous êtes critique littéraire au journal Le Monde, mais également romancière. Vous venez de publier le roman Confession d'une kleptomane, c'est aux éditions Stock. Et en tant que critique littéraire, vous avez donc écrit plusieurs articles sur Toni Morrison, dont l'un se retrouve dans votre livre Portrait, votre livre de portraits littéraires qui s'appelle Écrire, c'est comme l'amour, et qui a été publié en 2016 aux éditions Autrement. Alors c'est justement dans ce livre que vous racontez comment vous avez rencontré Toni Morrison. Est-ce que vous pouvez nous redire, pour ceux qui n'auraient pas lu ce livre, comment vous avez rencontré ce grand écrivain? Ça, je peux vous le dire parce que c'est une rencontre que je ne suis pas prête d'oublier. C'était en 2012, je crois, enfin il y a 5 ou 6 ans. Et je disais autour de moi, je pars aux États-Unis interviewer Toni Morrison et on me disait, oh formidable, mais... Et alors là, ça s'arrêtait, il y avait des points de suspension lourdement chargé de sens et j'arrivais pas à comprendre ce qu'il y avait derrière ce mais. Alors en grattant, j'ai fini par comprendre que Miss Morrison n'a pas un caractère facile, qu'elle exige qu'on ait tout lu, que ce qui est bien légitime, qu'elle s'impatiente très vite. Par exemple, alors on a fini par me raconter une anecdote que un de mes confrères anglais s'était vu gentiment reconduire vers la porte de sortie et elle lui avait dit vos questions étaient déjà assez stupides mais là vraiment vous avez touché le fond. Ah oui. Alors donc vous êtes arrivé avec un peu de pression. Je suis arrivé avec une légère note d'appréhension qui est venue encore accentuer l'accueil du doorman en bas du portier. Voilà. Parce que j'étais arrivée un petit peu en avance, et il me dit, vous venez voir qui, Miss Morrison? Ah, mais attendez, vous avez rendez-vous à quelle heure? 11h, mais il est 11h moins 10, et il me regarde d'un air terrifié. C'est pas grave, je vais attendre. Oui, oui, je l'appellerai à 11h sharp. Et alors, quand il a été l'heure, il m'a accompagné devant les portes de l'ascenseur qui se sont lentement refermées. Il m'a longuement regardé dans les yeux, et il m'a dit, best of luck. Mais ça s'est bien passé finalement. Alors ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, dans le film, si on collège, je ferai un forward très, très vite pour voir. une heure et demie après, on était en train de fredonner des chansons de Nina Simone, etc. Donc ça s'est extrêmement bien passé. J'ai trouvé une dame magnifique, fière, altière, comme on se la représente, avec ses dreadlocks poivre et sel, entourée dans un foulard de soie vert, etc. Absolument charmante. Il se trouve qu'elle aussi devait être peut-être un peu tendue, parce que elle, c'était la première nuit qu'elle passait dans ce nouvel appartement qu'elle venait d'acheter à Tribeca. Mmh. Elle venait de déménager. Je crois qu'elle habitait dans l'Hudson Valley avant. Et donc, voilà, vue merveilleuse. Donc, tout ne pouvait pas mieux se passer. Et si j'évoque Nina Simone, c'est parce que je suis en train de travailler aussi dessus là en ce moment, et elles me font vraiment penser l'une à l'autre, en dehors du fait qu'elles s'estimaient et s'admiraient beaucoup. Nina Simone, elle commençait pas un concert avant qu'il y ait un silence complet, et si quelqu'un, elle entendait quelqu'un se racler la gorge ou rire, elle pouvait se mettre en colère en disant mais qu'est-ce que c'est que ce manque de respect. Voilà, ces femmes qui sont de fortes femmes, qui croient dans la puissance de leur art, tout à fait légitimement d'ailleurs, et qui sont à la fois impériale et impérieuse. Et puis qui ont une exigence de travail par rapport à elles-mêmes qui fait qu'elles ont tendance à le demander aussi de la part des gens qui vont la voir. C'est exactement ça. Alors elle avait déjà 81 ans quand vous l'avez rencontrée, et elle n'entendait pas du tout poser la plume. Elle vous a même dit mais vous n'y pensez pas quand vous avez évoqué cette question. Il faut dire qu'elle a toujours écrit, y compris quand elle a dû élever ses deux fils et qu'elle était seule pour les élever, Florence Mavie. Oui, c'était un moment où elle travaillait très dur. Elle était aussi éditrice chez Random House, on y reviendra peut-être. Et elle avait ses deux enfants en bas âge, parce que donc Toni Morrison n'est pas son nom de son c'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme, et Morrison est son nom de femme mariée qu'elle a gardé, mais elle venait de divorcer à l'époque dans les années. Un architecte jamaïcain. C'est ça, dans les années 60, je crois, en 64, je crois. Et elle se retrouvait avec ses deux petits bambini sur les bras, et donc il fallait travailler, et elle écrivait très très tôt le matin, jusqu'à ce que le premier, m'a-t-elle expliqué, crie « Maman !» Et elle ajoutait « Mais de toute façon, je n'aurais pas pu m'en passer sans l'écriture, je suis à la dérive. Mm-hmm. » Ce qui est étonnant de la part d'une femme que l'on s'imagine comme ça, un monument de force et de puissance. Alors on y reviendra peut-être. Je voudrais demander d'abord à Christine Laferrière si, en tant que traductrice, vous avez eu l'occasion de la rencontrer. Quel portrait vous voudriez faire de Toni Morrison? Alors, c'est sûr que j'ai une chance inouïe, c'est-à-dire que j'ai traduit Home, qui est donc sorti à fin août 2012, et il se trouve en septembre avait lieu le Festival américain. Donc elle s'est déplacée à Vincennes, et à ma connaissance, c'était son dernier voyage en France. Elle vient beaucoup en France quand même. Elle venait beaucoup, je crois, et il se trouve que je l'ai vue, donc j'ai pu l'écouter au Festival américain, et je l'ai rencontrée évidemment entre-temps, entre deux interventions, entre deux rencontres, et je suis tout à fait éblouie par le portrait qu'en fait Florence Noiville, parce que c'est tout à fait ça. Elle est à la fois impériale et impérieuse, cette petite femme extrêmement imposante dans sa simple façon de se tenir, même si à l'époque, si vous voulez, elle était un petit peu fatiguée, elle avait du mal parfois à marcher, mais jamais à s'exprimer. Et alors, pour compléter un petit peu le tableau que vous venez de brosser très très justement, je me rappelle que lors d'un entretien, donc à l'occasion du Festival américain, la personne qui l'interviewait a demandé ce qui, d'après elle, faisait que ses romans attiraient toujours, séduisaient et envoûtaient toujours le public. Et elle a eu pour seule réponse ce mot extraordinaire que tout le monde comprendra, brilliance, qui est donc l'intelligence avec tout ce que ça peut avoir de radieux et de rayonnant. Et bon, tout était quasiment dit, voilà. Mmh. Et sinon, en tant que traductrice, et bien comme à chaque fois, quand c'est possible, et c'est là aussi que je souhaiterais remercier infiniment Dominique Bourgois, parce que voilà, j'ai une date de reconnaissance infinie envers elle. Donc, votre éditrice. J'aime le dire, notre Christian éditrice, Bourgois. Voilà, des éditions Christian Bourgois. Il est vrai que j'ai pu communiquer avec Toni Morrison pour éclaircir certains points concernant la traduction. Et il est vrai que c'était tout à fait indispensable, que je la remercie chaleureusement de m'avoir permis de faire un travail honnête intellectuellement et surtout exact. Autrement dit, d'avoir rendu au texte que je lui devais, d'avoir fourni au lecteur ce que je leur devais, et à l'éditeur le travail qu'il était en droit d'exiger. Et il est vrai que c'était des échanges qui, selon les moments auxquels j'écrivais, soit de la journée par exemple, soit peut-être de la saison, prenaient des tournures assez amusantes. C'est-à-dire que des fois, elle avait un petit peu le temps de répondre, et des fois, c'était tout à fait lapidaire, mais toujours extrêmement limpide, et c'est ça que je voulais. Et c'était très agréable, parce qu'une fois encore, j'ai pu travailler au mieux, et voilà ce qu'on veut. Alors Florence Noville, ce qu'il faut peut-être dire aussi quand on pense à Toni Morrison, c'est que c'est une institution. Elle est elle va au-delà de son rôle d'écrivaine. Elle a reçu le Pulitzer, elle a reçu le prix Nobel. C'est la romancière nationale aux États-Unis. C'est une des romancières nationales, une conscience morale. Ses livres sont étudiés en classe. Oui, c'est l'institution parce qu'elle elle coche un peu toutes les cases. Vous avez dit de Pulitzer un prix Nobel. Le Nobel a, dans son cas, une signification symbolique très forte parce qu'elle est la seule auteure afro-américaine à l'avoir reçu. Donc le fait que cet auteur soit une femme, voilà, toute proportion gardée. Je me souviens qu'on parlait aussi d'Obama, parce que à l'époque c'était lui, et elle l'a beaucoup soutenu, beaucoup admiré et beaucoup encensé publiquement. Mais elle pas forcément parce que c'était un homme non, noir. Non, pas forcément. Parce non. qu'elle croyait en son programme. Absolument. Mais je lui ai posé cette question un peu simpliste. Est-ce que dans toute proportion gardée, dans votre domaine, vous avez l'impression d'avoir accédé à une chose que l'on croyait inaccessible. Et elle m'a dit, c'est vrai que pour une petite fille noire qui a des velléités d'écrire, rêver de prix Nobel n'est plus quelque chose de totalement inaccessible. Oui, elle a donné un accès. Certains ont même dit, je crois que c'est le cas de l'éditeur Errol MacDonald, qu'elle avait contribué à l'élection d'Obama précisément pour cette raison-là, en permettant de laisser penser que c'était possible, puisqu'on avait une femme prix Nobel de littérature noire, c'était possible d'avoir un président américain noir. Elle ouvrait la voie, c'est pas sans dire. Ouais. C'est une guerrière, vous diriez ça, Christine Laferrière ? Une guerrière. Oh, mieux que ça ! Oh oui, une femme qui sait à la fois montrer une revanche, faire des représailles, c'est une femme qui sait faire valoir ses droits, qui fait valoir ce qu'elle est, sans jamais non plus faire de concessions aux femmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle montre toutes les contradictions qu'il peut y avoir au sein d'une communauté, dans tout ce qu'il y a d'héritage, de brimade, d'humiliation, de volonté ou non de s'en sortir, de possibilités offertes ou non, et puis la façon dont on peut avancer soi-même, en marchant comme on peut, mais on le fait. Une guerrière, oui, mais une guerrière... C'est Athéna, ouais. Quelque part. Vous diriez, Florence Neuville, que c'est une femme engagée, et même, j'ajouterais, pour qui l'engagement est un réel devoir. Oui, moi je dirais un peu comme Christine, une guerrière au sens de combattante somptueuse, quoi. C'est-à-dire dont le combat est irrigué par l'intelligence, la brillance, mais la brillance avec une charge d'humanité très forte aussi. Et pour ce qui est de la révolte, je pense que elle est quasiment née dedans. Il faut pas oublier que ses parents, ses arrière-grands-parents, enfin l'histoire de sa famille est une histoire d'esclaves. Et sa toute première révolte, ça, elle y revient souvent, y compris dans la conversation. C'est l'histoire de cette petite fille de 9 ans qu'elle a rencontrée à l'école et qui l'a beaucoup frappée parce que la petite fille noire rêvait d'avoir des yeux bleus de petite fille blanche. Et priait le ciel, elle avait prié Dieu pendant 2 ans, puis ça n'avait pas marché, alors finalement elle croyait plus en Dieu, mais c'est l'intrigue de son premier roman. C'est l'intrigue de son premier roman, qui s'appelle The Bluest Eye, l'œil le plus bleu, et ce à quoi ça la renvoie, c'est l'auto-détestation des Noirs par eux-mêmes à cause d'un canon de beauté qui leur a été imposé par des Blancs. I read always, when I was 3. J'ai toujours lu, dès l'âge de 3 ans, on ne faisait que ça. Toute la famille s'intéressait à nos lectures. Ma mère était membre de plusieurs clubs du livre. Mais il faut bien comprendre quelle en était la raison. Ce n'était pas seulement le plaisir de la lecture. Mon grand-père, vous savez, se vantait d'avoir lu la Bible 5 fois intégralement. Et tout le monde disait, oh, c'est formidable. Et moi, je me demandais, mais et alors ? Et puis j'ai réfléchi. Il n'avait aucun livre dans la maison, sans doute que la Bible. C'était la seule lecture qui lui était accessible. Et on l'empêchait d'aller à l'école. On l'empêchait de s'instruire. À l'époque, en Alabama, la ségrégation. Donc la lecture, eh bien, c'était un acte politique dans ma famille. Ce n'était pas juste pour passer le temps. C'était un acte agressif, anti-blanc, parce que les Blancs nous interdisaient d'aller à l'école. c'est la génération de ceux qui s'instruisaient dans les champs. Et si un blanc était surpris en train d'apprendre à lire ou à écrire à un noir, eh bien, il était passible d'une amende ou pouvait être mis en prison. In the morning, couldn't feel at home when I was a La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait d'un entretien de Toni Morrison avec Augustin Trapenard en 2016. Alors, Florence Noaville, revenons un peu plus profondément sur la biographie et l'enfance de Toni Morrison. On n'a pas dit qu'elle était née à Lorraine, ça se situe dans l'Ohio, au nord des États-Unis, en 1931, dans une famille qui est une famille d'ouvriers. Oui. Et Lawrence est une petite ville sidérurgique près de Cleveland et son père est en effet soudeur. Donc famille modeste, on l'a dit tout à l'heure, elle s'appelle pas Toni Morrison mais elle s'appelle Chloe Wofford. Ouais. Et elle a un nom de baptême qui s'est rajouté entre les deux qui est Anthony. Et ses amis l'abréviaient en Toni. Donc elle a gardé ce prénom de Toni et elle y a adjoint son nom de femme mariée. Plus tard, Morrison, parce qu'elle a commencé à écrire tard. Et dans la famille, alors c'est ce qu'elle raconte un peu dans l'extrait qu'on vient d'entendre, hein, famille très humble, père ne lisant pas beaucoup, grand-père ayant lu la Bible de A à Z plusieurs fois. C'est la mère, la grand-mère d'abord, qui propage les rites africains, les croyances, etc. Et la mère qui est un petit peu artiste, c'est-à-dire qu'elle a un don pour raconter et chanter. Et c'est elle qui lui donne le goût des mots. Goût des mots qui va de pair avec une précocité assez étonnante d'ailleurs, parce qu'elle raconte qu'avec sa sœur, elle se promenait dans les rues de Lorraine et qu'avec un bâton, elle traçait des lettres dans la poussière de la rue et que l'un des premiers mots était C-A-T, cat. Et ensuite, elles ont fait elles ont assemblé des mots pour faire des phrases. Et là, c'est très frappant. Elle m'a dit la première phrase, c'était I hate you. Alors, je lui ai demandé si c'était destiné au public blanc. Silence de mort. Mais il me semble qu'elle répond dans l'extrait, là encore. Elle dit lire et écrire était un acte agressif anti-blanc. Oui. Alors, la famille, c'est une famille qui va migrer du sud vers le nord, comme on le fait à cette époque-là pour les Noirs américains qui veulent fuir précisément le pays de l'esclavage, Florence Noaville. Oui, oui, parce que on est dans les années 30. Tout à coup, je repense à ce poème merveilleux, Strange Fruit, qu'ont chanté tellement de voix merveilleuses. C'est la ségrégation partout, moins quand même en Ohio, qui est un état du nord. Et elle m'a dit, Lorraine, c'était pas le ghetto, mais on sentait la ségrégation partout. Et il n'y avait pas moyen d'y échapper, quoi. Elle s'infiltrait sous les pores de votre peau. Mais son père et sa mère venaient donc du sud, de Géorgie, et il gardera toujours, avec sa terre natale, un sentiment, disons, exacerbé des relations raciales. Elle allait même jusqu'à dire parfois que son père était raciste. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'elle était née dans l'idée même de la révolte, de la révolte contre les préjugés des blancs, mais aussi le silence de la communauté noire sur le sort qui lui était réservé. Elle dit quelque part qu'elle a été très frappée, très choquée du silence des femmes noires face à cette petite fille, par exemple, qui voulait avoir les yeux bleus. Donc il y a elle essaye vraiment d'aller jusqu'à la racine de ce qui fait le racisme. Il y aura, vous parliez d'Harvard tout à l'heure, il y aura aussi elle a des lignes très très intéressantes sur les stéréotypes que l'on retrouve dans la littérature blanche. Qui devrait être un lieu de liberté, mais qui est en fait un lieu de propagation. Elle montre très bien comment se construit la blancheur, ce qu'elle appelle la blancheur en littérature, y compris chez des gens comme Melville ou Twain. Christine Laferrière, sur cette idée aussi que Toni Morrison a dit que son père était lui-même, avait internalisé en retour du racisme qu'il avait subi, lui-même une forme de racisme dont elle avait dû d'une certaine manière se défaire aussi peut-être. Oui, comme beaucoup. Et alors justement, à propos de cette tradition familiale, puisque vous évoquiez tout à l'heure la grand-mère, dans une des conférences de l'origine des autres, elle raconte comment sa grand-mère, un jour, en visite, arrive, s'arrête indignée face à la petite fille qui est Toni Morrison, accompagnée de sa sœur, qui est noire, qui est quand même bien noire, et elle dit, mais ces petites ont été trafiquées. Autrement dit, elles ne sont pas 100% noires. Donc on voit que la question du métissage était aussi, parfois, un problème pour les Noirs eux-mêmes. Et c'est vrai qu'elle a observé et étudié plusieurs facettes dans divers de ses romans à ce propos. Voilà, jusqu'où les Noirs se sentent mal d'être Noirs, mais sont aussi de préférence, en réponse et en guise de résistance face aux Blancs, désireux d'être le plus noir possible. Ouais. Alors vous avez parlé, Florence Noiville, de la grand-mère de Toni Morrison. Son nom figure dans la dédicace de son roman Tar Baby. On peut peut-être parler un petit peu des grands-parents et de leur influence. Je crois que le grand-père... Oui, alors là, je ne suis pas la mieux placée, parce que je l'avoue que je ne suis pas remontée comme ça de génération. Ce qui me frappe surtout, c'est le côté animisme, croyance africaine qui s'est évidemment propagée. On parlait de ce roman de Bluest Eye tout à l'heure. Elle prie tellement qu'à la fin, un magicien va finir par lui en donner des yeux bleus et très bleus. Donc peut-être, je ne sais pas si on aurait rencontré ça dans un roman entre guillemets occidental. Et elle s'insurge beaucoup ou dans Beloved au début on voit l'armoire qui marche parce que après c'est la question aussi du réalisme magique. C'est ça. Mais alors elle déteste qu'on dise réalisme magique et elle trouve que encore une fois les critiques n'ont aucune imagination en plaquant là quelque chose de sud-américain. Et je pense qu'en effet ça n'a pas de réalité. C'est juste la façon dont on considère les objets. Dans cette tradition-là. Mais elle n'aimait pas tellement d'ailleurs qu'on parle de poésie au sujet de sa prose. Et pourtant. Alors elle est allée à l'université, elle est même allée dans un établissement prestigieux puisqu'elle a obtenu une licence à l'université de Howard. Mmh. On peut peut-être dire la place de Howard dans l'université américaine. Ben oui, Howard c'est très particulier, on appelle ça le Black Harvard. Alors je sais pas si maintenant c'est une université 100% noire, mais en tout cas quand on regarde qui est passé, qui s'est illustré, bien sûr. Donc elle y entre en 49. Je crois qu'elle fait un PhD à Cornell. Donc une autre excellente université, Ivy League, c'est vraiment un parcours d'excellence. C'est un parcours d'excellence avec une thèse sur le thème du suicide chez Faulkner et Virginia Woolf. Alors là, ne me demandez pas pourquoi le suicide, mais peut-être Christine sait. Hélas, non. Je vous propose d'écouter à ce moment-là une interview justement de Toni Morrison à Clémence Boulouk en 2016 à ce sujet. C'est vrai que rien ne peut se comparer à l'immense curiosité et aussi au profond soulagement que j'ai éprouvé en découvrant Faulkner. Et cela, c'est surtout de par la manière dont il aborde la question des races. C'est-à-dire qu'il est le seul, je n'avais en tout cas à l'époque rien lu de tel sous la plume d'aucun autre écrivain. Il arrive à parler de la race sans le moindre mépris, sans la moindre dérision non plus, et sans colère. Et ça, c'était tout à fait inédit pour moi. But what joined those two writers was a woefulness. En fait, j'ai fini par faire cette thèse sur le thème du suicide commun à Woolf et Faulkner. Ce qui les reliait pour moi, c'était cette tristesse, cette mélancolie qui avait empreint toute leur vie. Et leur traitement du suicide dans leur œuvre. Et c'est vrai que là, le traitement qu'ils font du suicide diffère. Dans leur œuvre, en tout cas, je pense aussi dans leur vie intime. Pour Virginia Woolf, le suicide, c'était une manière de s'échapper. C'était un choix qui ne lui appartenait qu'à elle et où elle conservait un certain degré de maîtrise de sa vie. Alors que chez Faulkner, le suicide était plutôt synonyme d'échec, de faiblesse et d'incapacité à la résilience. That met the needs of the department. Sunday is gloomy, My hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white. Ben voilà, parfois il suffit de demander à l'auteur elle-même, elle peut répondre à ces questions-là. Alors après son divorce, dont on a déjà parlé, Florence Noiville, en 1964, elle devient éditrice chez Random House. Ça sera une éditrice qui va aussi marquer le champ littéraire aux États-Unis. Oui, parce qu'elle publie notamment cette anthologie d'écrivains noirs américains qui s'appelle The Black Book. Je crois que c'est dans les années 70, 73 ou 74, quelque chose comme ça. Et c'est une compilation tout à fait inédite à l'époque de documents d'archives, de photographies, de dessins concernant l'histoire des Noirs aux États-Unis, mais en remontant très très loin, jusqu'au vraiment au tout début de l'esclavage. Et puis elle publie aussi des gens comme Angela Davis, qui est donc cette philosophe militante des droits civiques, féministe, activiste, communiste, etc., membre des Black Panthers, mm-hmm. qui à côté de Malcolm X et Martin Luther King, est évidemment une des grandes figures. Voilà. Donc elle publie des gens comme ça. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que finalement, ce n'est qu'après être passée par toutes ces cases, enseignement, édition, qu'elle va s'autoriser à publier elle-même, pas à écrire parce qu'elle écrivait déjà, mais à publier, et donc assez tardivement, puisque son premier roman ne sort qu'en 1970, elle a quasiment 40 ans. Ouais. Donc c'est peut-être précisément justement ce plafond de verre qui est difficile à faire éclater, et bien qu'elle travaille dans le milieu universitaire et dans le milieu de l'édition, elle-même ne s'autorise pas. C'est comme ça que vous le disiez, Aïssa? Je ne sais pas, ça c'est une intuition personnelle, je ne sais pas du tout si elle serait corroborée par ce qu'elle dirait elle. En tout cas, elle dit qu'elle n'a jamais été aussi heureuse que le jour où elle a pu inscrire écrivain, le mot écrivain, sur sa déclaration d'impôt. Ouais. Alors, en 1974, paraît son deuxième roman, celui-là, c'est sur l'amitié entre deux femmes. Et puis ensuite, comment diriez-vous que sa carrière va se développer, Florence Noiville ? Là encore, on pourrait reprendre le terme de brillance, puisque deux Pulitzer et un Nobel, c'est vraiment, mais c'est le rêve américain en plus. C'est la petite fille noire de l'Ohio qui termine sous les lambris de Stockholm. Mais de façon plus profonde, je crois que on tourne toujours, l'œuvre gravite autour de mêmes thèmes qui sont là dès le début, qui sont effectivement le racisme, la ségrégation, la colère, mais aussi le regard que l'on plaque sur vous, que l'autre plaque sur vous, mmh. et dont il est si difficile de s'extraire. Et la question de l'histoire aussi, peut-être. Et là, évidemment, la question de l'histoire, bien sûr. Et là, on peut peut-être dire un mot sur ce roman qui s'appelle Un don, où elle plonge Christine Laferrière précisément au tout premier temps de l'esclavage, quand les victimes du système n'étaient pas uniquement les Noirs, mais que les immigrés pauvres étaient eux aussi victimes. C'est ça, c'est qu'on voit aussi que, comme elle l'a dit par ailleurs pour le racisme, en fait on invente le système avant d'inventer les gens. Et il est vrai qu'à cette période où donc nous avons des personnages qui sont vraiment des déracinés au moment même où ça se produit, ce sont des gens qui arrivent, ce sont des immigrés voilà, qui savent qu'ils sont partis, qui ne savent pas très bien où ils arrivent. On a par exemple une maîtresse blanche, une jeune femme blanche qui est littéralement achetée lors d'un mariage arrangé. C'est intéressant aussi de le voir. Mmh. Alors, elle n'est pas en train de dire « Regardez, il n'y a pas que les Noirs qui sont victimes, il y en a d'autres, on sait qu'il y en a eu d'autres. Hein. » Mais elle est en train de dire « Regardez tout ce qu'est capable de faire un système. » Le système embrasse, au sens propre du terme, en fait, toute une idéologie qui n'a pas fini, en fait, de s'ancrer dans la conception politique américaine de l'époque, qui culminera finalement dans le racisme scientifique dont elle parle dans ses dernières conférences de Harvard. Mmh. Et il est vrai qu'elle a comme ça balayé plusieurs siècles en montrant ce que ça pouvait donner. Florence Noiville, est-ce que vous diriez qu'il y a une place aussi pour l'autobiographie chez Toni Morrison, Et quelle serait-elle si Pourvoi elle existe? Eh bien justement, ce serait ça, c'est-à-dire que dès le premier roman, on voit que cette petite fille se découvre noire dans un pays régulé par des blancs et petite fille dans un monde dirigé par des hommes, où elle va d'ailleurs être violée à deux reprises. Et ce qu'elle nous dit, j'ai l'impression, tout le temps au fil de l'œuvre, c'est que d'une certaine façon, on n'est pas noir, on le devient dans le regard de l'autre, mais ça paraît un peu schématique, mais c'est vrai qu'il y a aussi une des phrases de Baldwin comme ça qui dit Negroes don't exist, the white people invented this word, I'm not a Negro, I'm not your Negro. Mm-hmm. Vous vous souvenez de ça? C'est ça en fait, c'est souvent et ça me frappe aussi chez Nina Simone, elle n'a pas conscience de sa négritude jusqu'à ce qu'on la lui renvoie à la figure avec force. Et chez Marie Scondé aussi. Petit peu la même chose. Vous avez un livre préféré, Florence Naville, de Toni Morrison? Moi, j'ai beaucoup aimé Home. Donc, je salue ici la traductrice, mais c'est pas du tout pour ça. Et j'ai aussi beaucoup aimé Délivrance. Parce que Délivrance, à mon avis, boucle très bien la boucle avec L'œil le plus bleu. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut se délivrer, sortir de cet œil qu'on plaque sur vous ou qu'on finit par ne plus plaquer. Parce que ce qui est génial dans l'œil le plus bleu, c'est que une fois qu'elle a son œil bleu, plus personne ne la regarde parce que les gens sont effrayés. Enfin, on passe du mépris à l'effroi. Donc la malédiction est toujours là. Florence Noiville, Christine Laferrière, vous restez avec nous. Le temps d'aller voir ce qui se publie du côté des revues littéraires et on poursuit notre conversation sur Toni Morrison. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de la revue Critique avec vous, Yversant. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous venez nous parler d'un numéro qui porte sur l'écrivain Éric Chevillard. C'est le numéro actuellement en librairie. Pourquoi cet écrivain et pourquoi avoir choisi ce sous-titre « Angle d'attaque » ? Je voudrais dire d'abord que prononcer quelques mots sur Éric Chevillard après les propos sur Toni Morrison, c'est vraiment passer d'un extrême à l'autre du spectre. Pourquoi ? Tous les opposent, ou en tout cas tous les différencient. Une colère les anime, mais c'est pas la même colère. En cherchant bien, on leur trouverait peut-être quelques points communs, apparents. Ils aiment le conte, il et elle, mais c'est pas les mêmes contes. Donc nous sommes vraiment là dans une approche de l'écriture, une pratique de l'écriture tout à fait différente. Alors pour répondre à votre question, je dirais que son originalité, son énergie, son ironie, son humour, son écriture corrosive, son aspect à la fois, paradoxalement, dégagé et engagé, donnent à Éric Chevillard une place singulière. Mmh. Et deux de ses admirateurs, Raphaël Piguet et Julien Zanetta, n'ont eu aucune peine à convaincre les responsables de la revue que cette place, trop restreinte encore, doit être attentivement et, si possible, joyeusement explorée. Alors, quant à l'expression « angle d'attaque », angle au pluriel, bien entendu, car l'œuvre de Chevillard est multiforme, nous l'empruntons à l'écrivain lui-même. Il l'emploie dans un entretien qu'il nous a accordé et qui, bien sûr, est reproduit. Et si nous nous sommes jetés littéralement sur cette expression « angle d'attaque », c'est parce qu'elle condense, à nos yeux, deux traits d'Éric Chevillard, le souci de la variété et l'agressivité, une certaine agressivité. Alors, la variété est bien connue de ses lecteurs, je la rappelle seulement pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Chevillard a écrit des romans, des textes critiques, tenu un blog, étrangement. Une chronique dans le journal Le Monde. Des chroniques dans le journal Le Monde. Où il était agressif, en effet, parfois. Oui, plus que parfois. Délicieusement. Et cette agressivité, deuxième trait, il l'assume, il la revendique. Ses livres, dit-il, sont, je le cite, tous habités par une espèce de colère ou de hargne. Il est mordant, il est acerbe, il a une haine, que je dirais tonique, du lieu commun, du langage figé et de la médiocrité. Mmh. D'où quelques têtes de Turcs, une très ancienne, le malheureux critique Désiré Nizar, qui ne sort pas vivant, si je puis dire, de la manière dont Chevillard l'a étrillé. Et de nos jours, faut-il dire des noms ? Mais oui. Je n'en dirai que trois, mais la liste serait longue. Alexandre Jardin, Yasmina Kadra, Jean d'Ormesson. Et cette pugnacité, on la voit à l'œuvre, en particulier dans un de ses derniers livres publiés, Défense de Prosper Brouillon, dans laquelle l'auteur a repris, sans les nommer, il est plus élégant que je ne l'ai été à l'instant, ses têtes de Turc. Il cite quelques phrases qui sont à la fois cocasses et angoissantes, comme l'exemple même du style pourri qui nourrit la littérature à l'estomac. Mmh. Je ne résiste pas à l'envie de vous en citer une seule, et je ne sais pas honnêtement de qui elle est. Citation, il s'agit d'un personnage féminin. « Elle n'était occupée qu'à inhaler cet instant irréversible. » Eh bien, c'est très beau, c'est de la très grande poésie, enfin, pas, versant. N'est-ce pas? Je trouve vraiment... vous n'êtes pas gentil, là. Mais attention, après ces cocasseries et cette manière que je viens d'avoir de souligner l'agressivité d'Éric Chevillard, il faut prendre garde à un contresens. Cette pugnacité chez Quignard est créatrice. Cette destruction est constructive. Et elle est au service d'une haute, je dirais même d'une très haute, que je découvre moi depuis peu, d'une très haute exigence littéraire. Vous savez bien, car je crois que vous lui avez consacré une émission il y a peu, que Italo Calvino appelait de ses voeux quelques qualités pour notre millénaire, la légèreté, oui, la rapidité, l'exactitude, autant de qualités que je trouve chez Chevillard, mm-hmm, et auxquelles il ajoute un sens aigu de l'absurde. Et en somme, pour le dire vite, si Chevillard pourfend les écrivains, pour reprendre une vieille distinction, c'est pour magnifier l'écrivain. Alors, rapidement, qu'y a-t-il au sommaire, finalement? Quels sont ces angles d'attaque que vous avez choisis, versant sur Chevillard à la Revue Critique? Alors, cette œuvre multiforme, on peut l'attaquer ou l'aborder, cette fois dans un sens non polémique, sous bien des angles ou bien des aspects. Dans notre numéro, Tiphaine Samoyau, par exemple, a choisi l'humour. Pierre Jourde et Denis Saint-Amand, l'aspect destructeur ou déconstructeur de Chevillard. Raphaël Piguet, qui étudie de près Saint-Laurent Houtan et Chouard, deux des nombreux livres de Chevillard, analyse de très près l'écriture protéiforme. Bruno, je ne vais pas, je crois, donner toute la liste. Ils sont 8 ou 9. Il faut laisser un peu de suspense quand même. Laisser un peu de suspense. Donner envie d'aller en librairie. Voilà, mais en librairie, on trouvera deux textes, dont un de Gaspard Turin sur la figure de l'auteur. Hmm. Et Blanche Cerculini, sur qui s'ouvre le numéro. Ainsi que, là je fais l'effort de prononcer correctement son nom, Tangam Ravindranathan, Très bien. Je suis parvenu, qui enseigne aux États-Unis, étudie, elle, toutes les deux, le rapport au réel que peut avoir un écrivain anti-réaliste. Et de ces études bien différentes, émerge, me semble-t-il, la figure d'un romancier qui tout à la fois fait imploser le roman et le renouvelle. Un écrivain exceptionnellement attentif aux aventures du langage et de l'esprit. Merci beaucoup Yversan, voilà qui donne très envie d'aller plus loin dans la connaissance d'Éric Chevillard. Et pour cela, il y a le numéro actuellement en librairie de la revue Critique. We people who are darker than blue, are we gonna stand around this town and let what others say come true? We're just good for nothing, they all figure, a boyish grown-up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that, or is that really where it's at? Première émission de la semaine consacrée à Toni Morrison dans la compagnie des auteurs, toujours en compagnie de la critique littéraire Florence Noiville et de Christine Laferrière qui a traduit plusieurs des livres de la prix Nobel de littérature 1993. Toni Morrison, vous écrivez d'abord pour les Noirs américains, pour leur rendre justice. Yes, first, assuming that they're humans and that everybody oui, can read the book. En premier lieu, et bien sûr, n'importe quel humain peut lire le livre, mais ça pose toujours problème au niveau des critiques. Parce que les critiques, ils subodorent toujours qu'il y a là quelque chose dans lequel ils ne veulent pas rentrer. Qu'est-ce que vous avez l'impression de réparer avec l'écriture, avec vos livres. I think I'm getting close to making it possible. Je pense m'approcher d'une situation où il soit possible pour les lecteurs blancs, les lecteurs noirs, d'aborder une œuvre littéraire sans toutes ces barrières. L'esprit ouvert, voir par eux-mêmes qui sont ces gens, des bons, des méchants, intelligents, idiots, mais sans préjugés, fondés sur le racisme. Christine Laferrière, après la biographie et les quelques jalons qu'on a donnés en première partie, on va passer l'essentiel du temps qui nous reste avec vous. Vous avez traduit donc plusieurs des livres de Toni Morrison et notamment cette série de conférences à Harvard sous le titre « L'origine des autres » où il est question de ses idées sur la littérature mais aussi justement sur la question raciale. On vient déjà d'entendre un morceau d'entretien qu'elle a accordé à Augustin Trapenard sur cette question-là. On peut peut-être commencer par évoquer cette idée qu'elle évoque dans « Embellir l'esclavage », qui est l'une de ses conférences, où elle pose la question « Comment devient-on raciste ?» et « Comment devient-on sexiste ?» Oui, alors pour ce qui est du développement du racisme, elle commence déjà par montrer, en invoquant d'emblée les théories du racisme scientifique, autrement dit l'eugénisme, toutes les manières dont on a pu faire croire aux gens que le racisme était une bonne chose et dont on a pu les persuader que c'était une nécessité, à commencer par le fait que c'était pour le bien des Noirs eux-mêmes. C'est-à-dire que certains traités eugénistes qui vous soulèvent le cœur dans le détail de ce qu'ils prétendent expliquer, vous expliqueraient qu'il est très bon de faire travailler les Noirs, tout simplement parce que de nature indolente, génétiquement, il faut un petit peu les aider à s'oxygéner le cerveau. Donc tout est permis à partir de là. Et elle montre aussi le comportement des colons en citant l'exemple d'un jeune Anglais parti faire fortune en Amérique qui donc se retrouve à la tête d'une plantation et qui tient le journal de ses aventures, est encore le terme, bien noble, en fait de toutes les fois où il viole ses esclaves tout simplement. Et où il note où exactement ? Et il note où en latin, alors qu'il est probablement le seul assis, on ne sait pas, en latin, de manière tout à fait abrégée. Et en disant si t'es bien, pas bien, le nombre de fois, éventuellement l'argent de poche, si je puis dire, qu'il lui donne. Et Toni Morrison montre en quoi, finalement, cette situation correspond à ce qu'elle appelle l'embellissement du droit du Seigneur. Elle dit, voilà, on est un petit peu en territoire conquis. Cet esclave, cette jeune fille, c'est ma propriété. Donc, voilà où nous en sommes. Et cet embellissement, elle le démontre aussi très bien, peu après, dans la littérature. Alors, tout à l'heure, elle évoquait, effectivement, Faulkner. Et dans Absalon, Absalon, il y a tout simplement ce débat autour d'un jeune homme noir qui se retrouve à discuter d'une situation incestueuse. Et alors, il dit, finalement, mais ce qui me dérange, c'est pas ce qui te dérange. On lui dit, c'est l'inceste. Non, toi, ce qui te dérange, c'est le fait que je suis le nègre qui couche avec ta sœur. Et voilà, tout est dit. Alors, dans un genre qui se veut beaucoup plus onirique, elle ne manque pas non plus de citer le Jardin d'Éden d'Hemingway, où vous avez un couple sur la plage, donc qui profite d'un congé, où la femme, essayant de faire fantasmer son mari, lui dit, mais on va peut-être aller en Afrique et je vais devenir noire. Alors, on a toute cette fantasmagorie, on voit un petit peu les vieilles images rapportées par les premiers colons, où ces photographies de belles femmes plantureuses dans plus simple appareil, avec en fait toujours cette volonté un petit peu de déguiser sous des dehors exotiques tout ce que l'acte sexuel pourrait avoir d'animal, c'est-à-dire de moins qu'humain a priori. Il fallait voir aussi cette fausse censure qui est peut-être aussi à rapprocher en fait d'une attitude européenne qui faisait qu'on allait admirer le talent du peintre qui savait distinguer entre les courbes et les traits, tout ça pour mieux observer la nudité dans les musées. On est là aussi. Et elle montre très bien comment cette obsession de la couleur également. Et alors, parenthèse pour les anglicistes, elle utilise le terme de fetish pour obsession. C'est intéressant de voir aussi ce glissement sémantique. Donc cette obsession de la couleur va dicter et permettre de faire de la littérature entre guillemets blanche, donc qui est écrite par des blancs, finalement de répandre ce préjugé et de continuer à transmettre toutes ces idées que l'on a qui permettraient en fait d'excuser sous leur côté séduisant des comportements humains blâmables. C'est un grand thème aussi de Toni Morrison, c'est-à-dire accepter ou non la honte et comment cacher la honte sous les vices des autres. Dans ses romans, ce sont des choses qu'elle aborde pas mal. Et pour revenir, si je puis être bavarde... Vous pouvez, bien sûr, vous êtes d'abord ça. Merci. Pour revenir à ce qu'elle vient de dire, justement, sur la façon dont elle voudrait que ses textes soient abordés sans préjugés, elle explique également très bien ce qu'elle a dit, je crois. Je crois que vous... vous avez sûrement dû peut-être l'entendre aussi de sa part, la façon dont elle souhaiterait que ses livres soient abordés sans préjugés à l'égard de la couleur, du fait qu'elle s'évertue à ne pas dire les couleurs de ses personnages le plus souvent possible. Hein, sauf et donc, du coup, à glisser sur la question de la classe sociale pour retrouver une pour domination. Pour retrouver les repères et la domination. Alors, elle cite dans ses conférences l'exemple d'un scénario qu'on lui avait demandé d'écrire, donc entre une femme blanche et une femme noire, et elle avait justement utilisé ses repères, comme vous le dites si bien, des classes sociales, et ça n'avait pas plu aux actrices. Il est vrai que dans Home, par exemple, jamais il n'est dit une seule fois que le vétéran de la guerre de Corée qui rentre choqué, malade chez lui et qui se retrouve face à une situation familiale a priori inextricable, jamais il n'est dit une seule fois tel quel qu'il est noir. Et tous les indices sont là. On explique qu'il ne pourra pas s'asseoir lorsqu'il ira au comptoir de la gare, au buffet. On explique que pour lui, il n'y aura pas forcément de chambre dans une pension ni un hôtel. Tout concourt à vous faire comprendre qu'il est noir, mais jamais, au grand jamais, cela n'est dit. Et c'est un tour de force stylistique. Alors, c'est une sorte de disparition, mais c'est la disparition du mot noir dans son texte, en tout cas la couleur de la peau des personnages. Comme si on supprimait la cause pour vous donner un résultat, en quelque sorte. Alors, vous avez prononcé tout à l'heure l'expression « embellir ». Oui, c'est le titre de sa conférence. Et c'est vrai qu'il y a d'autres écrivains qui ont embelli l'esclavage, et notamment, évidemment, Harriet Beecher Stowe, qui est donc l'écrivain qui a écrit La case de l'oncle Tom. Elle raconte bien comment ce roman a été écrit à destination d'un public blanc, et qu'il s'agissait de ne pas choquer les blancs. Alors, quel est son point de vue, finalement, par rapport à ce livre, qui peut être vu aussi d'une autre manière, comme une avancée au moment où il a été écrit, par rapport aux préjugés racistes de l'époque, et qui était quand même un livre abolitionniste. Qu'est-ce qu'elle note finalement sur ce livre-là ? Effectivement, c'est un livre qu'elle cite dans ses conférences. Elle commence même par celui-ci, si je ne m'abuse. Mais en fait, si jamais c'était un livre à visée abolitionniste, il a fini par produire l'effet inverse, hein, tout simplement parce que c'est un livre qui montre des esclaves noirs tellement satisfaits de leurs conditions qu'on n'oserait surtout pas toucher à cette fameuse condition. Pourquoi se rebeller lorsqu'on est si bien, finalement ? Alors que tout à l'heure, justement, par rapport au portrait si fin que dressait Florence Noiville, je pensais à la phrase de Camus, et je dis non de toutes mes forces. Et c'est une femme qui dit non, quelque part, Toni Morrison. On lui renvoie tel ou tel regard, elle n'en veut pas. Elle est noire, elle le restera, mais elle n'en veut pas. Et là, on se trouve face à des esclaves décrits comme des gens qui sont tout à fait heureux, contents de servir. On s'en accommode très bien. Ils sont extrêmement accueillants, hospitaliers. C'est le folklore. Hein. C'est un folklore total. On comprend aussi pourquoi, effectivement, il y a eu des adaptations pour enfants tout à fait innocente et aseptisée. Et le passage qu'elle cite est remarquable dans la mesure où on voit les Noirs qui reçoivent la visite des Blancs, donc les esclaves qui accueillent leur maître. Donc ils font de la place, bien sûr, ils servent le gâteau, et les bébés sont sous la table, et on voit la maman qui leur jette en pâture les restes de nourriture pour les nourrir. Oui, alors que le même maître votre en question, chien, c'est vous un petit donneriez enfant. La pâtée normalement, si vous voulez. Et là, ça atteint des degrés d'abjection, tout ça dans la satisfaction et l'envie de faire plaisir. Donc c'est un livre extrêmement pernicieux, finalement. Mmh. Et je pense à ce passage de l'autobiographie de Malcolm X, où il qualifie les voisins de son père, qui ont trahi son père, qui l'ont dénoncé au blanc parce qu'il avait des idées un petit peu progressistes, il les qualifie dans le texte de « Uncle Tom Negroes ». Il les traite donc le Tom, c'est noir tellement servile qu'ils avaient peur, ils avaient peur bien sûr, donc ils obéissaient. Alors elle parle aussi d'un autre écrivain, une écrivaine en l'occurrence, Flannery O'Connor, et sa nouvelle « Le nègre factice ». Oui, alors... C'est extraordinaire, ça, mais je ne résiste pas, effectivement, au plaisir de résumer, si je puis. Donc, cet épisode où un père blanc décide de faire l'éducation de son fils, et elle montre comment, en fait, le racisme, on l'enseigne. Non seulement vous l'apprenez malgré vous par imprégnation, mais sinon, on l'enseigne. Voilà. Et donc, lors d'un voyage en train, donc à un moment donné, un passager de couleur, comme on dirait gentiment maintenant, passe, et alors le père interroge son fils et vérifie, n'est-ce pas, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur ? Ce monsieur, c'est un noir. Excellente réplique du fils. Ah, mais tu n'avais pas dit qu'ils étaient marrons. Voilà. Et il se retrouve dans une ville où il y a une statue d'un jockey. Ils se retrouvent ensuite à demander leur chemin, donc à une femme noire qui les renseigne tout à fait calmement, et ils sont complètement déconcertés. Mmh. Voilà, le fils est... Et en même temps, et qu'en dit Toni Morrison de cette nouvelle ? Toni Morrison montre bien, alors cite cette nouvelle qui est extrêmement fine, extrêmement sagace, elle le cite pour montrer comment... pour montrer comment on peut enseigner le racisme comme on vous enseignera les sciences naturelles, comme on vous enseignera la géographie. Mmh. On peut peut-être dire aussi un mot du rapport de Toni Morrison avec l'Afrique, Christine Laferrière. Comment envisage-t-elle ce continent des origines mythiques? C'est peut-être surtout par les livres, j'imagine. Oui. Alors, l'envisage-t-elle, si encore elle l'envisage, parce qu'elle précise à plusieurs endroits que pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement lointain. Alors, rappelons en effet que les esclaves noirs qui ont été transportés de force en Amérique ont fini par ne plus savoir d'où ils venaient. Donc là aussi, naissance d'un certain folklore, d'une certaine culture orale qui se modèle ou se déforme au gré des générations. Parce que l'Afrique, c'est l'Afrique, mais ce n'est pas un pays. C'est quelque chose d'extrêmement lointain. On sait que c'est là d'où l'on est venu. À quel moment précisément, eh bien, on n'a pas forcément de généalogie. Donc il y a la question de la notion du temps aussi qui entre en jeu. Mais ils n'ont aucune envie d'y aller. Il y a quand même ce roman du Guinéen Camara Ley qui a été très important... pour Toni Morrison. Oui, en effet, parce qu'elle a enfin trouvé, nous explique-t-elle, un roman qui montre exactement comment agissent les préjugés. Et il s'agit d'un blanc qui est en Afrique, qui est sans le sou, et qui ne sait plus quoi faire jusqu'à ce qu'il arrive dans un village où il est bien accueilli, où il connaît un nombre infini de femmes, dont il profite en toute bienveillance parce que tout le monde est pour, et en même temps il a ce malaise immense parce qu'il a tous les préjugés d'une Afrique sauvage, hostile, aride et stérile, et contredit en permanence parce qu'il voit et ce qu'il vit en Afrique. Et alors, qui est lumineuse au contraire, comme Toni Morrison. Exactement. Et alors ce jeune homme se rend compte qu'en fait il a été vendu comme étalon pour le harem. Je cite Toni Morrison, c'est parce qu'en plus c'est vrai, parce que les enfants mulâtres se multiplient, il ne comprend pas pourquoi, il est le seul blanc dans les environs. Et en fait, il arrive à approcher le roi, hein, le roman s'appelle Le regard du roi. Et le roi lui dit, mais c'est toi que j'attendais. Et ce roi qui est un enfant, qui est plus ou moins couvert d'or, et qui lui lance en fait un regard pur et innocent. Et voilà, c'est pas du tout la puissance de l'Afrique telle qu'on la concevait, ni les mauvais génies, les démons africains, ni cette végétation luxuriante, cette sauvagerie incontrôlable, pour dénommer crûment cet ensemble de préjugés qui avait façonné la littérature. Alors Christine Laferrière, comment traduit-on Toni Morrison? Vous avez donc traduit deux romans et ce livre de conférence. Les deux romans, c'est Délivrance et Home. Comment s'y prend-on? Et quelles sont les difficultés? Alors, comment s'y prend-on? Il y a un substrat commun à toute entreprise de traduction, je crois. Alors, pour ma part, il s'agit de me laisser envahir. Ce n'est pas tout à fait accueillir, mais me laisser envahir par tout l'univers, à commencer par les personnages qui vont prendre place dans mon cerveau comme dans un grenier, et ils ont tous les droits. Alors, on a toujours intérêt à les aimer, j'ai cette chance inouïe, j'aime beaucoup les personnages de Toni Morrison. Peut-être que vous n'auriez pas traduit un auteur que vous n'aimiez pas. Oui, voilà, j'ai aussi cette chance de traduire des auteurs que j'aime. Mais c'est une expérience particulière dans la mesure où vous avez à la fois la nécessité de rendre le texte tel qu'il est écrit, avec toutes les nuances d'implicite, et puis vous avez toujours ce pourcentage de perte, parce que quoi qu'on en dise, traduire à 100%, je crois que c'est difficile. Mais vraiment sur la prose de Toni Morrison. Et sur la prose de Toni Morrison, eh bien, il faut trouver toujours des termes qui soient singuliers sans être choquants. Il faut toujours trouver ces formules qui soient créatrices, à savoir poétiques sans être poétiques au sens galvaudé du terme. Je pense notamment à des phrases comme « soul stretching music » que j'avais traduit littéralement par « la musique qui étire l'âme ». Vous sentez un petit peu ces complaintes, des cuivres par exemple. Une petite musique feutrée semblable à celle d'un quatuor, avait dit le New York Times au sujet de l'écriture de Toni Morrison. Ça peut l'être. Ça peut l'être, oui. Il y a dans la construction aussi des choses à noter. Peut-être par exemple le fait que c'est très rarement linéaire au fond. Les romans de Toni Morrison, et probablement parce que on est toujours dans la pensée des personnages et que ces personnages ne pensent pas évidemment, comme nous tous, de manière linéaire. Oui, alors ça peut être une structure binaire qui correspond aux différentes étapes de la prise de conscience, mais il est vrai que les structures sont toujours extrêmement travaillées, ce sont des édifices assez remarquables. Dans Délivrance, on a des alternances de personnages, puis une voie narrative, et on revient ensuite aux personnages, et ça donne pas tout à fait la même conception. Alors on a à la fois du kaléidoscope, la vision un petit peu circulaire et tout à fait complète, et puis à la fin on pourrait aussi partir du principe qu'il y a un peu un puzzle, et on va trouver la pièce manquante. Il faudra lire par nous-mêmes pour en savoir plus. Merci beaucoup, Christine Laferrière. Je rappelle que vous avez traduit donc trois livres de Toni Morrison, L'origine des autres, Les conférences, Délivrance et Home, c'est chez Christian Bourgois. Merci beaucoup Florence Noiville. Vous publiez donc le roman Confession d'un kleptomane, c'est chez Stock. Et nous nous sommes servis pour cette émission de votre recueil d'articles intitulé Écrire, c'est comme l'amour. Mais oui, bien sûr que c'est comme l'amour écrire, et c'est aux éditions Autrement. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Stéphanie Vélin et Bruno Gagnère-Fontanille. Demain, c'est la suite de notre série sur Toni Morrison. Nous parlerons notamment de Beloved, ce sera avec Christine Reynaud. Mais tout de suite, vous retrouvez la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour Mathieu. Bonjour la compagnie. Cette semaine, c'est Fernando Pessoa. Monsieur personne en personne. Ouais, tout le monde connaît le poète portugais, ou pour mieux l'éternuer, Pessoa. Le gardeur de troupeau, qui n'est pas un gardien. Attention, poussée subtile de la traduction, le gardeur de troupeau. Et nous, attention, on va essayer d'être subtil aussi, en chercher une nouvelle diction, pas une nouvelle direction, une nouvelle diction, un autre ton pour dire le gardeur de troupeau, en se gardant d'émotions trop romantiques, soyons réalistes, avec Alberto Cairo, le gardeur de troupeau. Je n'ai jamais gardé de troupeau, mais c'est comme si j'en avais gardé. Mon âme est comme un berger, elle connaît le soleil et le vent, et donne la main aux saisons. Elle suit et elle regarde. Toute la paix de la nature inhabitée vient s'asseoir à mon côté, et je suis triste comme un coucher de soleil pour nos rêveries. Quand on le voit disparaître là-bas au loin et que l'on sent déjà entrer la nuit, comme un papillon par la fenêtre ouverte. Mais ma tristesse est tranquille. Elle est naturelle et juste, comme doit être une âme quand elle sent qu'elle existe. Alors les mains cueillent des fleurs sans qu'elles s'en aperçoivent. Comme un bruit de clochette au-delà du tournant de la route, mes pensées sont heureuses. Ma seule peine est de les savoir heureuses, parce que si je ne le savais pas, au lieu d'être heureuse et triste, elle serait joyeuse et heureuse. Penser dérange comme marcher sous la pluie. Quand le vent redouble et qu'il semble pleuvoir davantage, je n'ai ni ambition, ni désir. Être poète n'est pas mon ambition, c'est ma façon à moi d'être seul, dit le gardeur de troupeau, dans une nouvelle traduction du portugais par Jean-Louis Giovannoni, Rémi Urcade et Fabienne Valin, c'est aux éditions Une. Il m'arrive certains jours où la lumière exacte et parfaite donne aux choses toute leur réalité, de me demander tout doucement pourquoi, moi, j'attribue de la beauté aux choses. Une fleur aurait-elle de la beauté? Un fruit aurait-il de la beauté? Non, ils ont une couleur et une forme, à peine une existence. La beauté est le nom qu'on donne à ce qui n'existe pas, que je donne aux choses en échange du plaisir qu'elles me donnent. Ça ne signifie rien. Alors pourquoi je dis des choses, elles sont belles? Et si je m'imagine parfois être un petit agneau, ou bien tout le troupeau quand il s'éparpille tout au long de la pente pour être mille choses heureuses à la fois, c'est seulement que j'éprouve ce que j'écris au coucher du soleil, ou quand un nuage passe sa main devant la lumière et que dehors court un silence sur l'herbe. Être poète n'est pas mon ambition, c'est ma façon à moi d'être seul. Quand je m'assieds pour écrire des vers ou que me promenant par des chemins de traverse, j'écris des vers sur le papier qui est dans mes pensées, j'ai la sensation de tenir le bâton d'un berger et je découvre un autre moi-même au sommet d'une colline qui regarde mon troupeau et voit mes idées. Ou bien qui regarde mes idées et voit mon troupeau en souriant vaguement comme celui qui ne comprend pas ce qui se dit, mais fait semblant de comprendre. Je salue tous ceux qui me liront d'un grand coup de chapeau. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de Fernando Pessoa.